DreamAndLead.com. Mais à la fois, tous ces acteurs n'ont pas de loi. Comme elle a peur, mais à la fois, mais enfant de la terre, montre-nous comme t'es déter. Mec, le feu sur Babylone, qu'elle retourne à la poussière. N'oublie pas d'où tu viens, même tout pâle c'est ton passé. J'ai Africa dans le cœur, car je suis black dans mes pensées. Mais tu n'es pas tout seul, soeur, les Rastas sont avec toi. Je t'assure, n'aie pas peur, non, de ressentir ta voix. Il m'interpelle, moi, on est beaucoup à le voir. Qu'islam n'est pas dangereux, y'a encore mieux que celle que moi. Comme elle a peur, mais à la fois, tous ces acteurs n'ont pas de loi. Comme elle a peur, mais à la fois, Mister Babylone est pour la paix quand ça l'arrange. Il ne voit pas d'amour, hormis quand ça dérange. Mister Babylone ne voit le monde que par profit. C'est lui qui fait les règles, alors c'est lui qui en profite. Il voit la paix en lui, il se croit bon pour ça. Et si tous les gens ont peur, alors tous les gens y croient. Si tous les gens veulent autre chose, mais ne changent pas eux-mêmes. Si on voit tous un genre en oubliant qu'ils sont eux-mêmes, hey, parce qu'il paraît que c'est la thune qui les rend fous, qu'il les rend dingue, qu'il les rend nous. Surtout frangin, ne rejette pas la peau sur ton prochain. Et si je vois juste un frère, c'est que c'est aussi le tien. Comme elle a peur, mais à la fois, tous ses acteurs n'ont pas de loi. Comme elle a peur, mais à la fois, yeah. Thank you.